Chapitre 17e. Bouleversés et incrédules, ils sortirent du bureau de Gunther sans dire un mot. Même le trajet jusqu'à leur demeure fut silencieux. Ce n'est qu'arrivé dans le hall qu'Harmonie et Jérémy se tournèrent l'un vers l'autre et s'exclamèrent en chœur « Mon âme, amour !»« Vas-y, commence, » fit Harmonie. « Non, toi. »« D'accord. Je ne m'attendais vraiment pas à cette nouvelle. Je suis assez perturbée. » Tu sais que c'est la première fois que je suis enceinte et j'ai des tas de questions qui me passent par la tête. Du style, ne suis-je pas trop âgée pour un premier enfant? Et surtout, avec ce fichu cancer, ne vais-je pas partir avant que ce petit être ne soit... Attends, darling, attends. Viens t'asseoir. Nous allons en discuter calmement. Est-ce seulement cela qui t'angoisse? Parce que n'oublie pas que je suis le papa. Pour ce qui est d'élever un enfant, je suis déjà passée par là. Il fanfaronnait, mais il était lui aussi mort de peur. Par contre, il est vrai que pour un premier bébé, tu as passé l'âge et cela pourrait poser un problème. Cependant, Gunther, qui est au courant de la situation, n'a pas un seul instant été alarmiste. Il connaît ton âge et toutes les difficultés. Donc je crois que de ce côté-là, il ne faut pas se préoccuper. Maintenant que tu es peur, je peux le concevoir aisément. Mais je serai toujours à tes côtés, jour et nuit. Tu pourras compter sur moi. Tu veux réellement ce bébé? Je pensais qu'avec Ron, si grand... J'adorerais avoir un enfant de toi. Si possible, je vais te demander une faveur. Laquelle? Fais-moi une petite fille qui te ressemble en tout point, veux-tu? Harmonie se blottit dans les bras de son mari et murmura. Avec grand plaisir, mon amour, mais toi, en revanche, tu as du travail. Déjà? Et quoi donc? Préparer la chambre du bébé. Tu choisiras les couleurs et Roger m'aidera pour la peinture. Le soir même, Jérémy téléphonait à son fils pour lui apprendre la nouvelle et lui demander s'il voulait être également le parrain de sa future petite sœur. Tu es bien certain que ce sera une fille? Non, évidemment, mais nous l'espérons. Et si c'est un garçon, cela reste valable. Comptez sur moi et n'hésite pas à m'appeler dès que ce petit être pointera le bout de son nez. D'ailleurs, tu ne m'as pas dit pour quand c'était prévu. Février, mais la date est difficile à déterminer. Parfait, je ferai une pause à ce moment-là. Je dois passer mes examens vers le début du mois. Ensuite, je serai libre jusqu'en mars. Ça devrait aller. Bien, mon fils, tu as l'air en pleine forme. Prends soin de toi et surtout, ne les rate pas. Je te reconnais bien là. Durant les mois qui suivirent, Jérémy ne travailla que rarement. Il préféra être toujours aux côtés d'Harmonie, l'entourant de toutes sortes d'attentions, comme lui masser ses pieds douloureux, ses épaules, lui faire avaler ses vitamines, contrôler et l'accompagner pour tous ses examens. Quelle ne fut pas leur joie lorsque, l'avant-dernière échographie, ils eurent le bonheur de constater que ce serait bien une petite fille. « Tu as une idée du prénom que tu aimerais lui donner, mon amour ?» lui demanda-t-elle le soir devant la cheminée. Il commençait à faire bien froid en cette mi-décembre. « Oui, j'y ai songé depuis plusieurs mois. Et je peux savoir où tu gardes le secret jusqu'à la naissance ?» J'aimerais l'appeler Amour. Oh, c'est magnifique. Je comprends pourquoi. Nous sommes si fusionnels, toi et moi. C'est notre chair et tout notre amour qui va venir au monde, alors j'abonde volontiers pour ce superbe prénom, Amour. Les travaux de la chambre du bébé seraient bientôt achevés. Harmonie désormais donnait les ordres et cela l'amusait beaucoup de voir les deux hommes lui obéir. Dans les tons jaunes d'or, rehaussés de vert tendre, c'était une prairie en fleurs sur les murs. Une frise, peuplée de nounours et de petits lapins malins, en faisait le tour. Le berceau blanc qu'avait construit Jérémy se balançait doucement. Madame Morin y avait cousu un voile qui empêcherait les moustiques de s'attaquer à cette peau si tendre. Harmonie sursauta, et pour la première fois, prenant la main de son mari, la posa sur son ventre. Il fut ému aux larmes de sentir sa petite si vigoureuse. Noël fut heureux cette année-là. Jérémy invita son frère, son ami Gunther, son fils et les époux Morin. Ils étaient allés chez le pépiniériste chercher un immense sapin. Ron et lui avaient ensuite pris un plaisir fou à le décorer. Il scintillait de mille feux dans le grand salon, lui aussi décoré par Louise et Harmonie. À la cheminée étaient suspendues de grandes chaussettes, regorgeant de cadeaux. La soirée fut très gaie et tous très joyeux. L'événement marquant restant la naissance à venir. La nouvelle année fut joyeusement fêtée au restaurant du casino de Deauville. Cependant, sitôt le dîner-spectacle terminé, ils rentrèrent. La pluie verglaçait les routes. Il fallait être extrêmement prudent. Le mois de janvier vit arriver la première neige. Les arbres se rabougrissaient pour mieux se protéger. Quelques craquements de mauvais augure firent penser que certaines branches n'y avaient pas résisté. Puis vint février, aussi froid, si ce n'est plus, que le mois précédent. Harmonie, malgré la chaleur que prodiguaient le poêle à bois et la cheminée, était toujours gelée. Jérémy avait pris l'habitude d'accueillir ses pieds sur ses jambes. Il grognait bien un peu, mais juste pour faire semblant. Il l'aimait tant qu'il aurait été prêt à n'importe quoi, même à lui décrocher la lune. Il travaillait la nuit et ne dormait que 3 heures. Malgré cela, il restait en forme. Il n'avait guère plus besoin de sommeil. C'était probablement génétique, son père ayant, lui, les mêmes habitudes. Le 19 février, jour anniversaire d'Harmonie, Jérémy lui offrit un fin bracelet d'or torsadé avec 2 petits diamants. Il réservait le troisième lorsque le bébé serait né. Harmonie, ce matin-là, ne se sentait pas vraiment bien. Elle traîna un peu au lit et ne se décida à se lever que vers 11 heures, bien sonnée. Louise dressait la table. Elle lui avait concocté ses mets préférés. Harmonie voulut la remercier, mais prise d'une violente contraction, se plia en deux en criant. Elle perdit aussitôt les os. Jérémy courut chercher le sac préparé pour l'occasion, pendant que Madame Morin appelait le docteur Gunther à la clinique. Ce dernier dépêcha une infirmière pour préparer une chambre et avertir l'obstétricien. Tout fut réglé comme du papier à musique. Il était 00h05 lorsque vint au monde la petite Amour, après 12 longues heures de souffrance, de cris, de larmes, de malédictions et surtout de fatigue. Harmonie, très faible, tint pour la première fois de sa vie son enfant dans ses bras. Elle téta presque aussitôt, mais l'infirmière la reprit pour laisser la maman complètement épuisée se reposer. Harmonie vit briller tout l'amour dans les yeux de son mari et s'endormit paisiblement. Le baptême eut lieu un mois plus tard, par une belle matinée ensoleillée mais froide du mois de mars. Ronnie, très fière, tenait sa petite sœur dans ses bras et au-dessus du baptistère avec Gunther. Le prêtre la bénit et la nomma. Quelle chance avait cet enfant d'avoir 2 tuteurs aussi attentionnés. Puis il félicita les 2 parrains et la marraine. La cérémonie fut rapide. Ils n'étaient pas catholiques ni l'un ni l'autre, mais par tradition, ils voulurent quand même la faire baptiser. Louise Morin, sa marraine, en pleura de joie. Les années se suivirent dans un bonheur total. Ils voyagèrent à travers le monde, firent 2 autres croisières. Jérémy fit découvrir son pays à sa femme, ainsi que le lieu qu'il l'avait vu naître. Cependant, ils étaient toujours heureux de se retrouver dans la grande demeure d'Honfleur. Amour était une petite fille calme, jolie et joyeuse, aimante avec ses 2 parents et serviable avec les époux Morin qu'elle considérait comme ses grands-parents. Ronnie, quant à lui, bourlinguait à travers les continents. Il acquérait des connaissances extraordinaires et énormément d'expérience. Il commençait à être renommé, et pas seulement à cause du succès de son père, mais par lui-même. Il parlait peu de sa vie privée, qui semblait bien terne. Harmonie, ainsi que son père, avait bien essayé d'en savoir un peu plus, mais ce dernier détournait la conversation à chaque fois. Jérémy, souvent sollicité par le service d'État américain, s'énervait souvent, mais jamais contre sa petite famille qui l'aidait à supporter ses mauvais moments. Il n'avait toujours pas trouvé ni l'antidote à ce fichu virus, mais ne désespérait pas. D'ailleurs, il s'évertuait beaucoup plus à trouver le remède contre le cancer jusqu'à présent, sans résultat probant. Noël de cette 7e année promettait d'être encore plus merveilleux. Jason, le frère de Jérémy, se marierait juste après le nouvel an et voulait leur présenter sa future épouse. Ronnie obtint un premier prix de conservatoire de violon. Depuis son retour, il aimait pratiquer avec son père. Jérémy avait l'oreille absolue et était on ne peut plus intransigeant. Lui aussi, en son temps, avait rapporté quelques prix identiques. Par contre, son instrument de prédilection restait le piano. Les 2 hommes ensemble jouaient à merveille et c'était un immense plaisir que de les écouter. À vrai dire, une carrière de musicien l'aurait également tenté, mais tout était préparé de façon à ce que ce Noël soit inoubliable. Lorsque tous les invités furent rassemblés dans le grand salon, ils portèrent des toasts de bonheur. Harmonie, qui souriait béatement, eut soudain une douleur aiguë dans la poitrine qui lui coupa le souffle. Elle respira profondément et le malaise se dissipa. Vers la fin du repas, La douleur refit son apparition, mais plus violente encore. Ne voulant pas alarmer tout le monde, discrètement elle chuchota à l'oreille de Jérémy qu'elle allait chercher un châle dans sa chambre. Elle l'embrassa tendrement, et il fit de même en tournant la tête vers elle. « Je t'aime, mon amour, et moi encore plus, mon âme. » Arrivée dans sa chambre, la douleur la cloua au sol. Elle glissa le long du lit et se tint la poitrine, essayant de se calmer et de respirer. Mais elle sentit au plus profond d'elle-même que cette fois-ci elle ne disparaîtrait plus. Elle lui envahissait tout le corps. Harmonie tenta de se relever et d'appeler, mais elle n'en eut pas la force. Une nouvelle vague plus intense encore la fit crier et s'évanouir. Jérémy, au bout de 15 minutes, ne voyant pas sa femme revenir, s'excusa et monta les marches 4 à 4. Un mauvais pressentiment lui bloquait la poitrine et son cœur battait à tout rompre. Lorsqu'il la vit à terre, il hurla son nom. La prenant doucement dans ses bras, il la releva et l'allongea sur leur lit. Puis il prit son pouls. Alors seulement, il sut. Il hurla tellement fort que les invités en eurent la chair de poule. Ronnie fut le premier à arriver et à voir son père complètement effondré sur le corps inerte de sa femme. Il comprit aussitôt et des larmes de tristesse intense coulèrent sur ses joues. Il attrapa Amour qui venait juste derrière lui et la ramena au salon. La petite commença à pleurer, criant qu'elle voulait voir sa maman. Ron la prit tout contre lui et lui expliqua que sa maman était désormais au ciel et veillerait toujours sur eux de là-haut. Il lui dit qu'elle était malade depuis très longtemps et que le jour de l'équité venait d'arriver. La petite fille pleura beaucoup avec son grand frère et lorsqu'elle fut épuisée, s'endormit. Ron la coucha et retourna vers son père qui ne voulait absolument pas quitter sa femme. Gunther essaya tant bien que mal de le raisonner, mais ce dernier hurlait dès que l'on essayait de le lui enlever des bras. Cette situation dura 2 jours. Ronnie, à force de paroles, dut finalement réussir à le convaincre de la laisser partir. Amour restait avec les Morin, le temps que Ronnie et son oncle s'occupent de l'enterrement d'Harmonie. Son père, trop anéanti, ne voulait plus s'occuper de quoi que ce soit. Il ne mangeait plus, ne dormait plus. Lorsqu'au 3e jour, on mit sa femme dans le cercueil tout blanc, il tomba au sol en se lamentant de plus belle. Elle fut mise en terre dans la propriété même. Pendant presque 1 mois, Ron retrouvait son père à la nuit tombée sur la tombe de sa bien-aimée. Il ne pouvait la quitter, c'était au-dessus de ses forces. Son fils avait beau lui dire que la petite avait besoin plus que jamais de son papa, il n'entendait rien. Jason, son propre jumeau, avait repoussé son mariage pour rester avec lui. Mais il se désolait de ne pouvoir faire plus. L'inquiétude grandissait parmi eux. Jérémy ne mangeait pratiquement plus. Il se laissait mourir.